La semaine dernière, est-ce qu'au final, les autorités sont dans le juste en ce qui concerne la lutte véritable contre le terrorisme au Burkina? Merci beaucoup. Je salue l'intervention de mon frère Mimodia qui vient de me toucher. Eh bien, Issa Diawara, l'équipe technique me demande de vous demander de retirer les écouteurs pour une meilleure écoute. C'est bon, je pense que ça va. Ouais, on vous reçoit parfaitement. Très bien. Je disais, je salue effectivement la grande intervention de mon frère, celui qui m'a précédé, Nimodia. D'ailleurs, je pense à ce qui concerne la formulation, nous l'avons dit plusieurs fois sur l'Afrique Média ici, que ce ne sont pas des djihadistes. Les djihadistes, nous avons dit, c'est un mot arabe qui veut dire faire des efforts. Il ne s'agit pas de faire des efforts. Vous êtes en train de faire des efforts ici. Et moi, de mon côté, chacun de son côté, ce ne sont pas des djihadistes, c'est des mercenaires. Et je ne crois pas qu'il existe en islam une loi qui pousse des gens à aller brûler des récoltes, à aller brûler les enfants au dos de leur maman. Je ne pense pas si cela figure dans une religion quelconque. Donc, ils sont tous sauf des djihadistes. Et vous les appelez terroristes, ce sont même des mercenaires. Des mercenaires occidentaux, bien sûr, des mercenaires à la sorte de la France. Nous savons tous que ces touristes-là n'ont pas les moyens du budget, en tout cas pour leurs opérations. Qui est derrière chaque jour le coût, c'est quoi? Et chaque jour le coût, c'est suffisamment élevé. Quand Barkhane vous dit qu'il a mis ça dans le Sahel, oui, comprenez que derrière, bien sûr, il y a cet argent qui ne va pas seulement à Barkhane, mais qui va bien sûr pour entretenir, bien sûr, les supplétifs de Barkhane. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut souligner. Maintenant, en ce qui concerne la mobilisation générale, mais je Wafo, je pense que la mobilisation générale, c'est une bonne piste. Parce qu'il faudrait voir le contenu, c'est quoi. Mobilisation générale, il ne s'agit pas de manifestation ou autre. D'accord, ça peut entrer dans le cadre, mais il s'agit bien sûr de mobiliser toutes les ressources du pays. En commençant par les ressources d'abord financières. Il s'agit bien sûr pour le pays de mettre suffisamment de moyens dans les équipements. Et dans la mobilisation générale, bien sûr, il est aussi question d'une mobilisation matérielle. Donc, à tout moment, l'État peut réquisitionner certains véhicules, et bien sûr, de l'État, et bien sûr, les mettre à disposition des forces armées de défense et de sécurité. Dans la mobilisation générale, il faudra aussi voir la mobilisation des ressources humaines. Il y a plus de 50 000 volontaires recrutés du côté du Burkina. Et dans cette, les Burkinabés sont des millions, hein, en termes de jeunes. Donc, ça peut aller au-delà encore de cette mobilisation. Dans ça, il faut s'attendre peut-être à une autre mobilisation, bien sûr, des populations dans ce cadre. Et maintenant, les avantages, autres avantages de cette mobilisation générale, ça peut être quoi? Ça peut être, bien sûr, de mettre une pression considérable sur les ennemis. Ça, c'est quelque chose de taille. Parce que nous, on peut vaincre un peuple. On peut vaincre une armée, d'accord. Mais il n'existe aucune armée au monde qui puisse vaincre un peuple. Donc, il serait difficile de vaincre le peuple burkinabé dans son ensemble. Les Américains ont largué sur le Vietnam 3 fois plus de bombes que cela a été largué sur les villes européennes pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Je dis bien, 3 fois plus de bombes est larguées sur les villes européennes. Et il s'agit de 3 fois plus de bombes qui ont été larguées sur le Vietnam, un pays de cette taille. Mais dites-vous, les Vietnamiens n'ont pas craqué. Et un beau jour, on a vu les Américains évacuer en toute vitesse et un hélicoptère se posa sur le toit de leur ambassade parce que nul ne peut vaincre un peuple. Vous pouvez retarder la victoire. Autre cas d'exemple, c'est bien sûr, il faudrait voir le cas des Afghans, les talibans. Et parce que beaucoup commettent l'erreur de dire que les talibans sont des terroristes. Les talibans n'ont jamais été des terroristes. Les talibans sont bien sûr des Afghans, des patriotes afghans que les Américains avaient chassés du pouvoir. Et que les Américains ont fait appeler des terroristes. En quoi ce sont des terroristes? Les Afghans sont chez eux en Afghanistan. Ce sont les Américains qui ne sont pas chez eux. Ce sont les Américains qui ont quitté un continent et un autre pour aller faire la guerre. Qui est terroriste entre les deux? Mais ce sont les Américains en Afghanistan qui sont des terroristes, qui ont tué des civils. Ils n'ont pas largué des bombes sur des civils américains. Il s'agit des civils d'un autre pays. Au nom de quoi? Donc, la mobilisation générale, c'est une façon de mettre la pression sur l'ennemi extérieur. L'ennemi doit comprendre que ça ne sert à rien peut-être de continuer de financer ces terroristes parce que c'est tout le peuple qui est mobilisé et là, c'est parti pour une défaite. Et la France sait quelque chose. Bon, tout le monde sait. C'est ce qu'on appelle Djembe Foul. Et puis la France, comment elle a perdu la guerre d'Algérie? Parce que c'était le peuple algérien qui était mobilisé. Nulle part dans le monde, on peut vaincre un peuple. Et ensuite, mobiliser les ressources encore, et cela permet bien sûr aujourd'hui aux autorités du Burkina de pouvoir nouer facilement des alliances, bien sûr, et des partenariats. Et mon prédécesseur a bien sûr parlé de l'exemple du Mali. Mais dans les faits, l'armée du Mali et l'armée du Burkina sont des armées qui opèrent presque en coordination. Parce que vous allez voir que les offensives sont lancées de part et d'autre du côté de la frontière et de deux frontières. C'était la même tactique employée par les terroristes. Les terroristes, quand la France était encore toute puissante ici, qu'est-ce que les terroristes faisaient? Les terroristes, bien sûr, lançaient des attaques à la fois simultanées au Mali et au Burkina. Et aujourd'hui, les deux armées ont compris. Les quelques attaques que vous avez au niveau du Burkina, je comprends mon frère, c'est désolé de le dire, mais c'est un peu normal, puisque c'est le cancer qui était là. Vous savez, le terrorisme, là, c'est du cancer. Le cancer avait beaucoup gangréné. Et quand le cancer sort, malheureusement, ça fait un peu de douleur. Voilà, il y a un traitement de choc qui est là. Donc, les terroristes, dans leur débat et dans leur débandade, bien sûr, ne vont rien épargner. Ils vont continuer à poser des engins explosifs. Ils le font au Mali. Ils vont tenter quelques attaques encore. Mais dites-vous, généralement, c'est des attaques suicidaires. L'autre jour, ils se sont attaqués au camp. Ils ont voulu s'attaquer au camp de Sévaré. Comme j'ai vu le fameux hibou de RFI, là, l'homme qui a des yeux comme un hibou, et qui était au Mali, qui a fui, et qui est de l'autre côté, il s'appelle un certain Serge Daniel. Et cet hibou, là, qu'est-ce qu'il lui raconte? Il dit qu'il y aura des casques bleus qui ont aidé le Mali. Et tout de suite, nous avons apporté les preuves que c'est faux, et le chef d'état-major du Mali a démontré A plus B. Parce qu'ils avaient là, ils avaient préparé 3 véhicules kamikazes. 3 véhicules kamikazes, dont 2 pick-up et un camion citerne. Donc tous ces véhicules étaient bourrés d'explosifs. Imaginez les bruits qui sont attendus à plus de 20 km. Donc, quand il faut exploser cela, pour énormément, ça crée la panique. Et dans la panique, ils peuvent peut-être atteindre les drones et les avions de combat pour les détruire et les clouer au sol. C'est la politique de la France. C'est ce que la France veut. Mais dès les premières explosions, ça trouvait déjà que les drones de Mali les avaient repérés. Avant même la première explosion, les drones ont commencé à les frapper. Et bien sûr, aucun des véhicules kamikazes n'a pu atteindre sa cible. Donc ça viendra au Burkina et tous les terroristes engagés ont été neutralisés. Aucun n'est reparti sain et sauf. Si celui qui n'a pas été neutralisé, ça c'est comme ça qu'on dit dans les jargons militaires, il a été bien sûr capturé vivant. Certains ont été pris étant blessés. Et c'est pourquoi vous avez constaté que les victimes ne sont des civils, parce que les véhicules n'ont pas atteint leur objectif, n'ont pas atteint les camps militaires, bien sûr. Il y avait des drones qui les ont en tout cas interceptés très rapidement. Ça viendra du côté du Burkina. C'est une question du temps. Même le Mali n'a pas fini avec. Le terrorisme, c'est du cancer. C'est ce qu'il faudrait noter. Et pour traiter le cancer, c'est vraiment un traitement qui doit prendre du temps. Parce que l'ennemi a mis plus de 10 ans. Le cancer a mis plus de 10 ans en train, bien sûr, de s'aggraver et de prendre toutes les formes. Et aujourd'hui, ce n'est pas en 12 mois qu'on peut traiter ce cancer. Bien sûr, il faut prendre encore un peu de temps, il faut être patient, il faut savoir accompagner les autorités dans cette guerre qui n'est pas une guerre facile. Je le répète, les armées africaines sont les premières armées au monde qui vont pouvoir vaincre les terroristes. La Syrie n'a même pas fini avec. La Libye, ça ne va pas. Dans beaucoup de pays, ça ne va pas. Les Américains, on a vu comment ils ont fui partout. Donc, les armées africaines seront les premières armées. Parce qu'elles sont sincères, elles sont honnêtes, bien sûr, à venir à bout de cette théorie. Ça sera un cas d'école, et je pense dans les jours à venir, certains qui sont sincères viendront dans les écoles de guerre des pays africains apprendre comment combattre le terrorisme. Je vous remercie. Et à vous également, cher ami Sadiawara. Afrique Média, le monde, c'est nous.